exploitation des organes de fœtus avortés, financée par l'argent des contribuables. L'utilisation de l'argent des contribuables pour soutenir des groupes qui pratiquent le trafic d'organes sur des bébés avortés ressemble à une histoire d'horreur qui fait froid dans le dos. En août 2021, Judicial Watch, une fondation visant à garantir des normes éthiques et morales élevées, a publié ses révélations sur des faits précis, par décision judiciaire. Judicial Watch a obtenu la divulgation de documents compromettants de l'autorité sanitaire américaine Health and Human Services, ou HHS. Sur 252 pages, il est prouvé quelles pratiques ou quels crimes ont été commis pendant 10 ans, entre autres à l'université de Pittsburgh, avec des fonds du National Institute of Health, NIH, un département de recherche du ministère américain de la Santé. Le pape du Covid, Anthony Fauci, y est directeur du département de régulation immunitaire. Anthony Fauci, le célèbre conseiller présidentiel et gouvernemental, et non des moindres, a pendant 10 ans fait dépenser environ 3 millions de dollars de l'argent des contribuables pour, entre autres, prélever des tissus sur des bébés matures, avortés juste avant la naissance et parfois encore vivants. Une demande de l'Université de Pittsburgh, rendue publique, a révélé que son centre médical visait au moins 5 dissections de fœtus par semaine. Les fœtus étaient âgés de 6 à 42 semaines, c'est-à-dire, certains se trouvaient encore juste avant la naissance. Les échantillons de tissu ont été prélevés en période d'ischémie chaude, c'est-à-dire directement sur le corps vivant des fœtus. Pour ce faire, les cliniques de planning familial, les maternités et les pathologistes ont collaboré avec le lobby de l'avortement de Planned Parenthood, qui se prétend à but non lucratif. Planned Parenthood, qui s'appelait auparavant American Birth Control League, est cofinancé par l'UE. En mai 2021, Judicial Watch a également publié des documents de la FDA, l'Agence américaine des médicaments, responsable de l'octroi de licences, c'est-à-dire de l'autorisation de nouveaux vaccins. Selon ces documents, l'autorité sanitaire américaine HHS a dépensé des milliers de dollars de l'argent des contribuables pour des tissus fœtaux de la société californienne ABR. ABR collabore avec les cliniques d'avortement de Planned Parenthood pour le prélèvement d'organes, une pensée effrayante. Dans cette soi-disant science biologique avancée, les ressources pourraient très bien prévenir de bébés éviscérés. En effet, le Center for Medical Progress a rapporté, preuve à l'appui, que des bébés nés vivants sont également éviscérés. John Dunne, employé de Planned Parenthood, aurait ainsi admis dans une vidéo avoir vu des embryons nés vivants pour les laisser mourir ensuite. Le simple fait que l'argent des contribuables, l'argent pour lequel on travaille tous les jours, soit utilisé pour une telle recherche qui méprise la vie, cela fait froid dans le dos. Mais ce n'est pas tout. Une lettre du Vatican datée de décembre 2020 confirme que des lignées cellulaires provenant de tissus d'avortement ont été utilisées dans le processus de recherche et de production des vaccins COVID-19. En d'autres termes, des cellules fœtales ont été utilisées pour la production de vaccins à vecteur viral contre le COVID-19, comme c'est le cas chez AstraZeneca et Johnson & Johnson, le vaccin imposé à toutes les nations comme un remède indispensable qui a en outre rapporté des milliards de bénéfices, repose en clair sur la mort misérable de bébés innocents et sans défense. Et cette pratique qui méprise la vie se nomme science et médecine avancée. Les instigateurs et les institutions qui acceptent de tuer des bébés et qui s'enrichissent grassement de leur mort, doivent être déclarés coupables d'homicide par tous les tribunaux du monde et les responsables doivent être condamnés à rembourser tous les bénéfices réalisés.